Grab your yeah. kwadibia kese mi kisla peti kese ma yina wie kese yon yina me yo le moment krabe mou se mi tia krabe mou se mi so mokan wie nye yen tia krabe ya edi mi mamo okrete kwadje akumwe mi chine yo. Thank you. Mini penny, Mais des soirs

Yeah, Matthew.